Regarde, tu connais ce livre ? Non, il est intéressant. Excusez-moi, je cherche le bibliothécaire. C'est pour une inscription. Ah, désolé, mademoiselle. On est professeur. Et c'est une bibliothécaire, Ariane Leduc. Elle est à la cafétéria. Elle arrive tout de suite. Ah bon ? Comment elle est, s'il vous plaît ? Elle est brune, grande, assez jeune et toujours de bonne humeur. Ah, justement, la voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame. Je voudrais m'inscrire à la bibliothèque, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, avec plaisir. Alors... Ah, voici le formulaire. Vous avez votre carte d'étudiante ?